partie, mais pour d'autres raisons. J'avais passé 10 ans à dormir en prison. C'était une drôle d'affaire pleine de coups d'escopette, de transporteurs de fonds et puis de grosses galettes. Place à la sélection d'aujourd'hui. Une chanson de 2009, interprétée par une chanteuse lorraine, native de Creutzwald, en Moselle. Cindy Sander a été découverte en 2004 par la diffusion de la télé-réalité Le Chantier. Et puis on la retrouva ensuite à La Nouvelle Star sur M6. Cindy Sander, Le Secret de nous. Tiens.

te jouerai les chansons que tu préfères. Le monde peut courir tant qu'il veut. Tu m'as dit reste encore un peu, éteins la lumière. Je te jouerai les chansons que tu préfères. Le monde peut bien courir tant qu'il veut. Chemin se construit parfois sur des erreurs, des refrains de la vie, un peu trop loin du cœur et des tiens. T'as envie, oui, d'un peu de chaleur et besoin de poésie. Tu m'as dit reste un peu, dépose tes affaires. Je te jouerai les chansons que tu préfères. Le monde peut bien courir tant qu'il veut. Tu m'as dit reste encore un peu, éteins la lumière. Je te jouerai les chansons que tu préfères. Le monde peut bien courir tant qu'il veut. Je jouerai les chansons que tu préfères. Le monde peut bien courir tant qu'il veut. Tu m'as dit reste encore un peu, éteins la lumière. Je te jouerai les chansons que tu préfères. Le monde peut bien courir tant qu'il veut. Albert Préjean. Après avoir été, durant la Première Guerre mondiale, membre de l'escadrille des Cigognes, aux côtés de Guynemer, il fut décoré de la Croix de Guerre et de la Légion d'honneur. Artiste très populaire, il chanta de nombreux succès dans les années 30. Et au cinéma, pendant la Seconde Guerre mondiale, il incarnait qui ? Le commissaire Maigret. En 1943, avec d'autres artistes français, il se rendit à Berlin à l'invitation des Allemands pour y promouvoir la chanson française. Ah ben oui, mais cela ne lui fut pas pardonné, et lors de l'épuration, il fut incarcéré quelques semaines, à la suite de quoi sa carrière ne trouva pas son lustre d'avant-guerre. Albert Préjean, Dédé de Montmartre. Qui font des chansons sur le milieu, ah oh, quelle rigolade. Ils ne savent pas comment nous vivons et balancent sur nous des salades. J'en ai fait une à ma façon et je vous le dis sans fanfaronnade. Ça ne casse rien, mais l'air est très bien et vous chanterez tous au refrain. La valse à Dédé de Montmartre, au son de l'accordéon, vous donne le grand frisson. La valse à Dédé de Montmartre, on la fait deux à deux et les yeux dans les yeux. La valse à Dédé de Montmartre, c'est la danse d'amour qui nous grise toujours. Dans tous les musées, on la tourne sans frais. C'est la vraie, mais la vraie, vraie de vrai. Entre nous, on est de bons bourgeois, notre rêve, c'est de pouvoir sur terre en planquer un peu chaque mois pour se tirer vivement des affaires. dans un bled à boisson, chez soi enfin vivre comme des millionnaires. Entre poteaux, boire son apéro et le soir chanter au bord de l'eau. La valse à Dédé de Montmartre, au son de l'accordéon, vous donne le grand frisson. La valse à Dédé de Montmartre, on la fait deux à deux et les yeux dans les yeux. La valse à Dédé de Montmartre, c'est la danse d'amour qui nous grise toujours. Dans tous les musettes, on la tourne sans frais. C'est la vraie, mais la vraie, vraie de vraie. La valse à Dédé de Montmartre, c'est la danse d'amour qui nous grise toujours. Dans tous les musées, on la tourne sans frais. C'est la vraie, mais la vraie, vraie de vraie. Est-ce que la voix qu'on aimait tant peut finir un jour par se faire? On s'en remet jamais assez. C'est le titre chanté par Zaz, extrait de son album L'effet miroir. On s'en remet jamais. Zaz. Est-ce que la voix qu'on aimait tant peut finir un jour par se taire? Est-ce que tout ce qu'on n'a pas pu faire va se dissoudre dans le temps? Est-ce que tout ce que l'on se promet a pu se perdre dans un désert? Ne reste-t-il que des poussières une fois que l'amour est absent? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet? On rit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais. On s'en remet jamais vraiment. On s'en remet jamais vraiment. C'est une blessure sous la peau. Le froid glacé du couteau. Silence en écho. Je rêve de voir à tes morts. T'es pas si loin, pas si loin. Est-ce que la lumière reviendra? Est-ce qu'on retrouvera le sommeil? Y aura-t-il un nouveau soleil? Quelqu'un d'autre qui brillera? Est-ce que tu crois que l'on oublie? Combien de temps faut-il attendre? Combien de nuits pour désapprendre à se retourner dans son lit? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet? On vit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais. On s'en remet jamais vraiment. On s'en remet jamais vraiment. C'est une blessure sous la peau. Le froid glacé du couteau. Dans notre tête, comme ces étoiles qui brillent encore, mais qui sont bien loin de la fête. Les pas qu'on gravait dans la neige sont partis avec le printemps. Est-ce que nos souvenirs nous protègent? Sont-ils emportés par le temps? Emportés par le temps. Paul Desjardins, est-ce que vous connaissez le nom de cette chanteuse? Eh non, hein. Eh bien, c'est une chanteuse française qui a représenté la France lors de la deuxième édition du concours Eurovision de la chanson Et là, nous étions en 1957, et tout ça se passait à Francfort. Et la chanson se classa deuxième dans ce concours qui regroupait 10 pays européens. C'était une chanson qui était écrite par un certain Guy Lafarge sur une composition de Francis Carco et qui s'appelait « La belle amour ». Alors, Paul Desjardins, on la connaît dans une autre activité. Elle abandonna sa carrière musicale en pleine ascension pour l'amour d'un industriel de Millau, un célèbre fabricant de lingerie féminine. Artiste complète, elle dessinait chaque année avec talent les nouvelles collections de lingerie qui contribuèrent à la notoriété de la marque Cana, C-A-N-A-T, La belle amour, Paul Desjardins. Si vous aimez la nature, les lilas, les petits oiseaux, le muscadet, la friture et la belle aventure, suivez le bord de l'eau. Vous verrez une guinguette où vous pourrez vous griser au flonflon d'un bal musette, des yeux clairs de Lisette avant de décider dans un baiser de tout oser. Comme l'eau coule à la fontaine, cette chanson, c'est la chanson que filles et garçons chantent chacun à sa façon. Elle sera la chose certaine dans tous les cœurs, et pour toujours la chanson de la belle amour. Cependant, voici l'automne, la guinguette au vol éclos, n'a plus d'amoureux, personne ne vient quand le ressonne, rêver au bord de l'eau. C'est le bal des feuilles mortes qui dansent sur le gravier et qui vont de porte en porte au vent qui les emporte, tournoyés par milliers en attendant. Le printemps. Le 22 avril 2018, Yannick Noah mit un terme à sa collaboration avec l'équipe féminine de tennis français après sa défaite en demi-finale de Fed Cup aux États-Unis. Alors, il se consacre alors à un nouvel album, Bonheur Indigo, et notamment au single Viens, composé par Boulevard Désert, Viens Yannick Noah. Écoute, faut que tu saches, on est soit voleur, soit volé. Et chacun se tue à la tâche, qu'on soit la base ou le sommet.

Le nom du groupe L et J est un acronyme provenant des premières lettres des prénoms de Lucie, le L, Elisa, le E, et Juliette, le J. L et J, c'est un trio musical de chant, percussion et violoncelle. Une victoire de la musique en 2017, des nominations aux Energy Music Awards en 2015 et 2016, les Globes de Cristal en 2017, Pal Time, un titre qui navigue entre électro et hip-hop avec des touches de violon. Allez, arrête tes conneries, Pal Time, LJ. Sa carrière comptait déjà une quinzaine d'années durant lesquelles Barbara alternait succès d'estime et sans lendemain. En 1964, à Bobino, elle assurait la première partie de Brassens et faisait la conquête du public. Et c'est dans cette même salle, mais cette fois en vedette, qu'elle triompha au soir de première en septembre 1965. Profondément émue et en hommage à son public, elle écrivit « Ma plus belle histoire d'amour ». Emblématique du répertoire de Barbara, cette chanson sera régulièrement reprise lors de ses tours de chant. « Ma plus belle histoire d'amour, Barbara ». Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut j'étais précoce de tendres amours de gosse, où les morsures d'un amour

pourquoi pas, Gus et les Frangines, avant de vous laisser en compagnie de Thierry pour son émission Discothèque Classique. Allez, au revoir. Pourquoi t'es né ici? Pourquoi je suis né là-bas? Pourquoi tu m'as souri? Pourquoi je t'ai pris dans mes bras? Nos regards ont uni la marche de nos pas. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi. Pourquoi je me suis noyé dans le bleu de tes yeux? Pourquoi je suis bien nulle part qu'avec toi dans ton vieux? Dans tes draps c'est Venise, ce soir c'est le grand bal. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi. Pas besoin de savoir ça, ni pourquoi, ni comment on s'est rentré dans la toute première fois, tout est bas. Ça, mais la vie nous surprend, la vie nous apprend à suivre l'élan du vent. Tu chantes, tu danses, tu lis dans ta boule de cristal. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi. Pourquoi le soleil revient quand tes yeux me regardent? Pourquoi la pluie c'est rien comparé à tes larmes? Ne pleure plus mamie, viens danser dans mes bras. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi. Pas besoin de savoir ça, ni pourquoi, ni comment on s'est rentré dans la toute première fois, tout est pas ça, mais la vie nous surprend, la vie nous apprend à suivre l'élan du vent. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas, pourquoi pour toi? Pourquoi pas, pourquoi pas moi? Pourquoi pas, pourquoi pour toi? Pourquoi pas, pourquoi pas moi? Pourquoi pas, pourquoi pour toi? Pourquoi pas, pourquoi pas moi? Pourquoi pas, pourquoi pour toi? Pas besoin de savoir ça, ni pourquoi, ni comment on s'est rentré dans la toute première fois, on tout est pas ça, mais la vie nous surprend, la vie nous apprend à suivre l'élan du vent.